Job chapitre 34. Élie donc reprit la parole, et dit, vous, sages, écoutez mes discours, et vous qui avez de l'intelligence, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille juge des discours, ainsi que le palais savoure ce que l'on mange. Choisissons de quoi nous devons disputer comme en jugement, puis nous connaîtrons entre nous ce qui est bon. Car Job a dit, je suis juste, et cependant le Dieu fort a mis mon droit à l'écart. Mentirai-je à mon droit? Ma flèche est mortelle, sans que j'aie commis de crime. Mais où y a-t-il un homme comme Job, qui avale la moquerie comme de l'eau? Qui marche en la compagnie des ouvriers d'iniquité, et qui fréquente les méchants? Car Job a dit, il ne sert de rien à l'homme de se plaire avec Dieu. C'est pourquoi, vous qui avez de l'intelligence, écoutez-moi, à Dieu ne plaise qu'il y ait de la méchanceté dans le Dieu fort, et de l'injustice dans le Tout-Puissant. Car il rendra à l'homme selon son œuvre, et il fera trouver à chacun selon sa voie. Certainement, le Dieu fort ne déclare point méchant l'homme de bien, et le Tout-Puissant ne renverse point le droit. Qui est-ce qui lui a donné la terre en charge? Ou qui est-ce qui a placé la terre habitable tout entière? Si Dieu prenait garde à lui de près, il retirerait à soi son esprit et son souffle. Toute chair expirerait ensemble, et l'homme retournerait dans la poudre. Si donc tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille à ce que tu entendras de moi. Comment celui qui n'aimerait pas à faire justice, jugerait-il le monde? Et condamneras-tu comme méchant, celui qui est souverainement juste? Dira-t-on à un roi, qu'il est un scélérat, et au prince, qu'ils sont des méchants? Combien moins le dira-t-on à celui qui n'a point d'égard à la personne des grands, et qui ne connaît point les riches, pour les préférer aux pauvres? Parce qu'ils sont tout l'ouvrage de ses mains, ils mourront en un moment, et à minuit tout un peuple sera rempli de frayeur, et passera, et le fort sera emporté sans qu'aucune main le frappe. Car ses yeux sont sur les voies de chacun, et il regarde tous leurs pas. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de mort, où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Mais il n'impute rien à l'homme contre la justice, lorsque l'homme vient à plaider avec le Dieu fort. Il brise, par des voies incompréhensibles, les hommes puissants, et il en établit d'autres en leur place. Parce qu'il connaît leurs œuvres, il les renverse la nuit, et ils sont brisés. Parce qu'ils sont méchants, il les froisse à la vue de tout le monde. À cause qu'ils se sont ainsi détournés de lui, et qu'ils n'ont considéré aucune de ses voies. En sorte qu'ils ont fait monter le cri du pauvre jusqu'à lui, et qu'il a entendu la clameur des affligés. Que s'il donne du repos, qui est-ce qui causera du trouble? S'il cache sa face à quelqu'un, qui est-ce qui le regardera, soit qu'il s'agisse de toute une nation, ou qu'il ne s'agisse que d'un seul homme, afin que l'hypocrite ne règne point, de peur qu'il ne soit un filet pour le peuple. Certes, tu devrais avoir dit au Dieu fort, j'ai souffert, mais je ne pécherai plus. Et toi, Seigneur, enseigne-moi ce qui est au-delà de ce que je vois, et si j'ai mal fait, je ne continuerai plus. Mais Dieu ne te le rendra-t-il pas, puisque tu as rejeté son châtiment, quand tu as fait le choix que tu as fait? Pour moi, je ne saurais que dire à cela, mais toi, si tu as quelque chose à répondre, parle. Les gens de bon sens diront avec moi, et tout homme sage en conviendra. Que Job n'a pas parlé avec connaissance, et que ses paroles n'ont point été avec intelligence. Ah, mon père, que Job soit éprouvé jusqu'à ce qu'il soit vaincu, puisqu'il a répondu comme les impies. Car autrement il ajoutera péché sur péché, et il battra des mains entre nous, et parlera de plus en plus contre le Dieu fort.